Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pas Movies Nerd, Pas Parlons Cinéma. C'est un nouveau podcast, c'est Jugez-moi coupable. Et en fait, je me disais que finalement, je présente quand même déjà deux podcasts, c'est quand même assez. Ça, c'est pas mal de travail. Et on avait une idée avec un des présentateurs du podcast Movies Nerd. On voulait faire un podcast un peu plus léger. À la base, c'était plus un hors-série, mais ça s'est tourné en une émission. On va vous présenter les concepts tout de suite. Et je me suis dit, au lieu que ce soit moi qui le présente, parce que j'ai un peu beaucoup de présentations sous ma casquette, je vais laisser la main au co-présentateur du podcast Movies Nerd. J'ai nommé Morgan. Salut. Morgan, vas-y, c'est à toi. Je te laisse les rênes de ce podcast. Moi, je suis uniquement le co-hôte et honnêtement, ça me fait plutôt plaisir d'être uniquement le co-hôte. Ça fait un peu moins de stress pour ma part. Mais moi, ça m'en rajoute, étonnamment. Hein. Voilà. Ça m'en rajoute parce que d'habitude, je suis un peu le malin et tout. Je me repose un peu sur toi. Là, non, c'est vas-y, Morgan, allez, prends tout. Vas-y. On va assumer. Mais... Hein. Voilà. Et puis moi je serai derrière aussi. Pas trop près non plus. Non, près derrière. Non, on va essayer de rester à distance, distanciation sociale, bien sûr, évidemment. Je vais te laisser te présenter le podcast, et puis je prends déjà un rôle de hôte alors que c'est même plus mon rôle, donc vas-y, je te laisse. Bah moi du coup, vous m'avez déjà entendu sur Movies Nerd et sur Parlons Cinéma, hein, donc coucou, c'est Morgane, hein, salut à tous les copains. Du coup, par rapport au concept de l'émission, comme l'a dit Axel, c'est vrai que les plaisirs coupables, hein, vous avez compris, hein, jugez-moi coupable, voilà, c'est lié. On voulait faire un hors-série, et puis finalement avec Axel, on s'est dit un hors-série qui présente 5-6 films, nos 5-6 plaisirs coupables, est-ce que c'est si pertinent que ça? Et je pense, enfin, j'en ai déduit qu'il y avait peut-être quelque chose aussi à faire, que ce soit un rendez-vous, on va dire, mensuel, pourquoi pas. Dans lequel on présente effectivement des films qui n'ont pas bonne réputation du tout, qui sont considérés ouvertement comme des très mauvais films. Donc vous aurez tout, hein, vous inquiétez pas, vous aurez tous les pays, tous les genres différents. On va essayer de brasser pas mal de films, mais avec une règle d'or, parce que moi j'en ai un petit peu marre quand on tire sur les ambulances, quand on défonce un film pour l'encenser. J'ai jamais compris le concept, parce que dans les faits, un plaisir coupable, dans le mot plaisir coupable, il y a plaisir. On ne peut pas détester un film au point de l'aimer. Un film, même s'il est considéré comme mauvais, on l'aime, il y a forcément des raisons, il y a forcément des détails qui font qu'on l'aime quelque part, et des détails que nous, on estime purement défendables. Et c'est sur ces détails-là qu'on va travailler. On va essayer de vous vendre ou de vous revendre des films, parce qu'il y a certains, ça va quand même demander un gros effort. Il y a certains films, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Vous allez devoir nous faire confiance. Ouais, voilà. Ouais. Moi surtout, hein, voilà. Je suis très convaincant comme garçon. Et voilà, le but, c'est pas de dire c'est tout pourri et j'adore. C'est vraiment j'adore, ou j'aime beaucoup à la limite, et je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup. Et c'est sur cette bienveillance-là. Voilà. Après, bon, ça va être un peu fun, etc. Hein, ça va être... Et bien sûr, si on voit quelques défauts au film, on va pouvoir en parler. Mais c'est pas que de la défonce. Et après, un petit peu de « Ah, en fait, j'aime bien. » Ouais, voilà. Parce que je trouve que c'est un peu facile de dire « Alors, ouais, ce film-là, j'aime pas du tout. Mais putain, qu'est-ce que c'est fun. » Mais si c'est fun, c'est que tu y trouves des qualités. Et assume-les. Ouais. Et moi, comme je suis, j'espère, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que je suis quelqu'un d'assez bienveillant. Et j'avais envie d'une émission où on retrouve cette bienveillance-là dans des films qui sont, pour la vindique populaire, assez peu défendables. Mais comme j'aime le risque, je me dis, je vais défendre des mauvais films. Parce que les films comme les personnes qui ont la meute aux fesses, en général, j'ai tendance un peu à les défendre. Et ben voilà, on va essayer de défendre l'indéfendable. Et voilà, puis ça va être fun, enfin j'espère, hein, évidemment. Et du coup, bah, Axel, vas-y, présente-toi. Hein, vas-y. C'est ton site, mais tu vas te représenter, vas-y. Oh, ça fait plaisir voilà, d'avoir ce côté autoritaire et tout, ce côté maître d'école. Oui, voilà, tu vois, et tu prends un petit peu goût au début, t'hésites et tout ça. Mais à l'autorité, là, voilà. Je me sens ministre d'un coup, j'adore. Non, ben du coup, moi, je suis Axel. Vous m'avez peut-être entendu sur des podcasts, Podcast Movies Nerd, des podcasts Parlons Cinéma que je présente, comme je l'ai dit au tout début. Et puis sur le site Movies Nerd aussi que j'ai créé, ça fait depuis 2013. Donc voilà, ça fait un petit moment que je suis sur Internet, que je fais des podcasts. Et c'est un podcast où on avait, enfin, On va juste expliquer aussi l'origine du podcast et remercier les gens qui nous ont donné envie de faire ce podcast. Avec Morgan, on est très fan d'un podcast qui était très actif dans les années, dans les environs de début 2010, ouais, à peu près, ouais. Qui s'appelait Cinéfeuse. Voilà. Ils ont sorti en 2012, il me semble, 2012-2013, pour leur 50e numéro, ouais. Un podcast hors... Enfin, c'était leur 50e numéro, où ils parlaient de trois de leurs plaisirs coupables. Et, oh, il y en avait un peu plus, ben, il me semble, quand... un petit peu plus. Trois ou quatre, ouais, ouais, un petit peu plus, ouais, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai plus vu, mais je sais que j'ai dû le voir au moins 5-6 fois, parce que je trouvais le concept vraiment trop bien, et ben, avec Morgan, on en avait parlé, enfin, on savait qu'on aimait Cinéfeuse, et on parlait souvent de cette émission, et de se dire, ben, ce serait cool de faire quelque chose avec ce concept, et comme Morgan avait dit, à la base, c'était un hors-série de Movies Nerd, mais moi, je voulais vraiment qu'on fasse une émission un peu plus légère, que ce ne soit pas juste un hors-série... comme un autre, voilà. Oui, bah voilà, donc l'idée c'était qu'entre deux podcasts un peu, on va dire, sérieux, très solennels finalement, qu'on se dirige vers un concept un peu plus léger, quoi, voilà. Oui, voilà, exactement. Et surtout un format assez court, bon là l'introduction peut être un peu longue, mais on va essayer de ne pas dépasser plus d'une heure par émission, il faut que ce soit vraiment limpide, voilà. Et on s'est donné un temps max de 10 minutes par film. Pour que vraiment on fasse. Je peux étaler à 15, hein, je suis pas non plus psychorigide à ce point. Ouais. Oui, bien sûr, mais on essaye vraiment de faire. Après, que, voilà. Max une heure. Quoi. C'est ça. Donc, voilà. Bah, du coup, on y va du coup. Ben oui, bah, mais je te laisse. Hein. Et bah, du coup, ah, bah, c'est moi qui commence du coup. Bah, voilà. Bon, bah, oui. Du coup, on va commencer. Je vais commencer du coup par. On va aller vers le cinéma un peu de genre, avec un film un peu décrié. Que dis-je ? Une saga complètement décriée, mais je vais me contenter de parler du premier film, puisque je vais parler de Resident Evil, du mal aimé, mais beaucoup apprécié dans mon petit cœur de cinéphile, Paul W.S. Anderson. Ah oui, le Phantom Thread. Phantom Thread, ouais, voilà. Non, non, mais non, du Grand Budapest Hotel, voyons. Voilà. Voilà. Donc voilà, moi j'avais envie de parler de Resident Evil, alors encore une fois pas de la saga, hein, vraiment que du premier film qui est sorti en 2002, donc c'est l'adaptation, vraiment on va mettre des guillemets, hein, du célèbre jeu vidéo, je sais plus sorti en quelle année d'ailleurs. Ouf, 96 il me semble le premier. Ouais, il me semble, ouais. Il me semble que c'est ça. Je crois même que c'est un peu moins. Enfin bref, c'est un podcast cinéma, pas juste. Ah, c'est, on, voilà. On n'est pas compétent. Hein, voilà. 96, je vois sur Wikipédia. 96, d'accord. Si Wikipédia le dit, c'est que c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Resident Evil, c'est que de base, le projet était pour George Romero, qui avait écrit un scénario et que vous pouvez même aller voir, hein, sur internet, il est dispo. C'est un scénario, si ma mémoire est bonne, qui avait été validé, mais qui avait été présenté à Capcom. Mais il y a eu un changement de direction qui fait que finalement, son scénario est passé à la trappe et c'est vers Paul W.S. Anderson. C'est vers lui qu'on s'est approché pour cette adaptation. Donc, je pense que ça a généré une colère des fans qui est très légitime. Pourquoi ? Parce qu'il est fait. Je voulais dire parce que justement, si Romero avait pris le truc en main, ça aurait fait un cercle, quoi, parce que Resident Evil s'inspirait des films de Romero. Oui, donc, voilà, c'est un peu le papa des zombies. Et c'est normal, hein, bon, les fans ont un peu râlé, hein, de toute façon, les fans qui râlent, c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une colère des fans qui s'est installée, mais en attendant, on a eu ce premier film. Qui effectivement, je vais le reconnaître, est une adaptation totalement aléatoire. Donc on n'est pas du tout dans la même trame que dans le premier. On reprend seulement quelques détails connus du jeu vidéo. Par exemple, la ville de Raccoon City, le virus, etc. Et les zombies, évidemment, ils sont là. Hein. Heureusement. Très jolis, d'ailleurs. Oui, heureusement, heureusement. Mais on est dans une intrigue totalement libre. Et finalement, plus je le revois, et plus je me rends compte que c'est ce qui me plaît le plus dans ce film-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un souvenir de gosse, ce film-là. Je l'ai attendu... effectivement comme étant l'adaptation d'un jeu vidéo que je saignais avec mon frère, mais c'est vrai que quand on l'a vu, on s'est fait couiller un petit peu, mais moi j'ai quand même ressenti une forme de plaisir, parce que je me rends compte que, et c'est pas propre à Resident Evil, c'est que j'adore le cinéma de Paul W.S. Anderson, qui n'a pas peur de flirter un peu avec l'action un peu généreuse, sachant qu'il avait fait Mortal Kombat juste avant, qui était tout aussi génial, et du coup je pense qu'on en parlera bientôt, pas dans ce podcast là, mais dans les autres podcasts futurs. On pourra faire carrément une émission sur Paul W.S. Anderson, il y a vraiment des choses à dire sur lui, ce monsieur, je l'adore. Et d'ailleurs il arrive avec Monster Hunter avec Mila Jovovich là, l'année prochaine, ça va être formidable. Donc du coup on a une adaptation qui est totalement libre en termes d'intrigue, mais c'est tout à son honneur, parce que voilà, Mais on a quand même un casting qui est plutôt sympathique. On a sa femme, Mila Jovovich, qui est quand même l'actrice badass par excellence. Oui. Franchement, c'est peut-être pas la meilleure actrice au monde, mais elle a quand même une capacité à porter sur ses épaules des scènes d'action. Elle a une physicalité absolument remarquable. Mmh. Je l'adore. C'est pas l'actrice la plus subtile du monde, mais effectivement, elle peut porter un film comme ça. Ouais. Il y a deux actrices badass même dans le film, hein, avec Michelle Rodriguez. Rodriguez, c'est vrai. Ouais. Et moi, ce qui me plaît dans ce premier Resident Evil, alors oui, effectivement, on le dit tout de suite, vous n'allez pas retrouver l'ambiance du jeu vidéo. Non. Vous n'allez pas la retrouver. Quoique, parce que le premier Resident Evil, on est quand même dans un espèce de huis clos. Là, c'est pareil. Mais sauf que là, je trouve que l'aspect huis clos est encore plus anxiogène. On est quand même sous terre, on est sous sol dans une espèce de hive, un complexe scientifique géant avec des longs corridors, avec des portes qui se ferment automatiquement. Automatiquement comme ça. Ouais, voilà. Il y a aussi tout l'aspect laser, la exactement. Scène avec les lasers. Voilà. Qui est pas spécialement la plus jolie au monde, mais quand même qui est assez. Quand vous avez 10 effet. Ans. Ouais, quand vous avez 10 ans, vous voyez ça, vous dites voilà, ça réveille des petites hormones quand même. donc on a quand même un huis clos qui est pour moi extrêmement nerveux. Enfin moi, en le revoyant aujourd'hui, je trouve que la partie huis clos, ces personnages qui déambulent dans ces longs couloirs, dans ce complexe un peu labyrinthique quand même, je trouve que ça fait son effet, ça offre quand même des moments qui sont assez tendus. Alors effectivement, vous n'allez pas avoir un festival d'hémoglobine, la violence, le gore du jeu est totalement édulcoré, mais c'est compensé justement par une ambiance qui est très tendue et des décors, un jeu sur les décors qui pour moi peut faire peur, et encore aujourd'hui ce film là me fait peur. C'est très clinique. Je pense à une scène où on voit un zombie dans l'eau qui se réveille en se posant la main sur la glace. Mais moi ça me terrifie vraiment. Et je trouve qu'il y a un travail sonore qui est assez efficace. On a également une BO quand même. Vous pouvez entendre, hein, c'est la BO que vous entendez là actuellement quand je parle, qui est quand même composée par Marilyn Manson, c'est pas rien. Et je peux vous dire que la fin de ce film-là, le dernier plan, la BO plus le contexte avec The Dead Walk, avec, on peut spoiler un peu, hein, ouais, on va spoiler. Ouais, avec le personnage d'Alice qui se réveille dans un Raccoon City totalement délabré, qui tease un second volet qui va se passer en pleine ville. Je peux vous dire que vous avez la fin de film la plus bandante qui soit, vraiment. Vous voyez ce film-là, ce plan avec Mila Jovovich qui arme son fusil à pompe, on se dit ça y est, la guerrière est en marche, elle y va, et le deuxième va être fantastique. Il ne le sera pas forcément, il sera défendable quand même, mais pas au point de... Parce que Nemesis quand même est un peu problématique. Mais en tout cas, ce premier Resident Evil, pour moi, est un bon film. Alors oui, vous pouvez dire, c'est pas une bonne adaptation, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un film qui reste efficace? Mais carrément, franchement, le film se tient. Et ne crachez pas trop sur le film. Il y a pire dans la saga, mais celui-là... comme je dis, voilà, plaisir coupable, on a la définition qu'on en a. Je pense qu'on fera un petit bilan à la fin sur ça. Mais oui, en tout cas, oui, bien sûr. Je suis obligé de le considérer comme un plaisir coupable, tellement la saga est enfermée dans tout ce qui est mauvais. Quoi. On dit Resident Evil, c'est quelle horreur, on va dire Retro Satanas. Non, c'est pas exagéré quand même. Oui, il y a largement pire, hein, franchement. Ouais. Et puis ça fait peur, quoi. Moi, j'ai peur, moi. Il me fait peur. Moi, il est assez angoissant. Moi, je l'ai revu du coup pour le podcast parce que je l'avais vu il y a très très longtemps et j'avais des vieux souvenirs, mais ça m'avait pas marqué plus que ça personnellement. Et finalement, honnêtement, j'étais plutôt agréablement surpris. Bien sûr, c'est pas très fin, mais on demande pas ça d'un Resident Evil parce que même les scénarios des jeux vidéo n'étaient pas très fins. Faut le dire aussi. C'était plutôt correct. Et puis visuellement, je le trouve vraiment plutôt bon. Encore aujourd'hui, les effets visuels sont plutôt bons, je trouve, et très corrects, quoi, pour un film qui est sorti en 2002. C'est correct, franchement, c'est super. Oui, c'est bien. Et voilà. Non, honnêtement, c'est un film que je pense que je reverrai avec plaisir. Si j'ai envie de me faire un bon film d'action et en même temps un film qui fait peur, puisque. C'est vrai, quand je dis Resident Evil me fait peur, on me dit non, mais t'es malade. Mais non, vraiment. Mais le début, quand elle se réveille dans ce manoir, puis même la reine rouge, la saleté là. Oh ouais. Avec la voix de Dorothée Pousseau en VF. C'est pour ça que je l'aime pas d'ailleurs. C'est pour ça. Ok, très bien. Ben, je pense que du coup, on a fini sur ce Bah oui, film. on a fini, Ouais. hein, du coup. Et Très maintenant, ça bien. va être à toi, Axel, de Ouais. parler d'un. On va aller vers la France, Ah la oui, ben, bonne notre. vieille France de Jean-Marie Poiret, T'as notre failli dire trésor un national. autre Jean-Marie et j'ai eu très peur. Parce que c'est Bigard? pas. Non, je ne veux pas prononcer ce nom, mais Ah j'ai oui, eu oh très là peur. oui, oh là, Oui, oh oui. non, non, non, non, non, non, non, on n'est Non, pas non. là-dedans, Voilà, non. on n'est pas là-dedans, honnêtement. Alors, c'est un film qui est plutôt décrié et honnêtement, ça me surprend un peu parce que je trouve que il y a tellement pire en termes de comédie française. Celui-ci, je le trouve assez. Déjà, donc je vais dire le titre, c'est Ma femme s'appelle Maurice. Voilà. C'est un film que comme Le pour. truc bien transphobe dès le titre. C'est... Va défendre ça aujourd'hui, toi. Courage. Honnêtement, je sais pas si c'est transphobe, Non, peut-être, mais le titre mais peut laisser. oui, voilà. En fait, c'est plus du. Comment on appelle ça? Du cross-dressing. Alors, je sais plus comment on appelle ça en Oui. français. Comme chouchou, tu vois. Oui, du travesti, quoi. C'est un. Ça parle de Georges, un agent immobilier qui est infidèle et qui a des soucis conjugaux. Le film est quand même pas mal sur la tromperie entre personnages et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce film. J'expliquerai ça un peu plus tard. Du coup, Georges décide de faire appel à un certain Maurice Lapin, bénévole dans une association caritative et employé à mi-temps à la poste. Déjà, ça c'est très drôle. Pour se faire passer pour sa femme dans l'espoir de se débarrasser de sa maîtresse. Reconquérir son épouse et éviter la confrontation entre elles. Les rôles principaux sont par Régis Laspalès et Philippe Chevalier, des acteurs que j'aime beaucoup, en tout cas dans ce film. Je les adore, moi je les adore, hein. Franchement, ils sont géniaux. J'aime bien leur façon d'écrire et leur façon d'interpréter les mots, voilà, donc, enfin leur diction, etc. C'est des personnages, quoi, vraiment. Et du coup, je les aime beaucoup dans ce film. Pourquoi j'aime ce film, en fait, et Morgane, justement, on parlera un peu plus tard dans une autre comédie française. Moi, j'aime bien les comédies où il n'y a quasiment aucun personnage à sauver. Et c'est tous vraiment des enflures, quoi, qui se font des sales coups. À part peut-être Maurice Lapin, et encore de temps en temps, il fait des sales coups. D'ailleurs, Maurice Lapin, c'est très drôle. Régis Laspalès, quand il dit son nom de famille, fait les petites oreilles de lapin. Enfin voilà, c'est des petits trucs, des petits détails comme ça. Pour ceux qui ont vu le film et qui aiment ce film, pourront voir de quoi je parle. Bon, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ce film, apparemment. Hein. J'étais assez surpris parce que moi, c'est vraiment un film d'enfance que j'ai beaucoup regardé, beaucoup vu. À la télé avec mes parents, enfin avec ma famille, quoi. Donc, et à chaque fois qu'il passait à la télé, on regardait, on se disait, ah oui, ce soir, ma femme s'appelle Maurice, on va le regarder de nouveau parce que, honnêtement, ça me fait. Enfin, moi, le film me fait mourir de rire. Et ce que j'adore dans la comédie, vraiment, c'est tous les comiques. Enfin, le comique de situation, et plus précisément, tout ce qui est. Les circonstances inhabituelles, donc les malentendus, les quiproquos, et ben ça, vraiment, ça c'est vraiment le sel de ce film. Il n'y a que ça, il n'y a que des malentendus, et moi ça me ravit, ça me fait mourir de rire en fait. Et ce film, il est vraiment génial, il est vraiment, moi je trouve vraiment très drôle. C'est une de mes comédies françaises préférées, j'irais presque à le dire, et honnêtement, je vois pas. Enfin, je vois pas trop de problèmes avec ce film. Il y a énormément de scènes qui sont vraiment marquantes. Il y a la scène de la tronçonneuse, toute la séquence avec Martin Lamotte et Anémone qui sont extrêmement extrêmement drôles, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment un bon casting, un très bon casting, et le scénario a pas mal des retournements de situation. Plus voilà tout ce qui est quiproquo, etc., que j'aime énormément. Je suis on va remarquer pendant cette émission que je suis très mauvais pour tout ce qui est ligne de enfin dialogue de film et tout ça, retenir des dialogues. J'ai vraiment beaucoup de mal, même pour des films que j'adore. c'est les quotes et tout ça, c'est vraiment des trucs. Faut que je cherche sur internet pour savoir de quel film ça vient, même pour des films que j'aime. Mais dans ce film, il y a des même trucs si qui me restent. Même si on te dit Iceberg droit devant, tu sais pas de quel film ça vient. Oui, du coup, non, quand même, j'exagère un peu, mais honnêtement, il y a parfois, j'ai l'air un peu con quand quelqu'un me cite des trucs de films que j'aime beaucoup et que j'arrive pas à retrouver la ref. Bref, mais dans ce film, il y a des refs un peu connes. Pour ceux qui ont vu le film, si je dis Beware la mouche, c'est un truc que je dis tous les jours encore. Et c'est extrêmement. Dis par toi, c'est génial. Voilà, c'est extrêmement drôle. Et dit par Régis Laspalès, c'est extraordinaire. Je viens de voir quand même dans la fiche technique, Martin Lamotte joue le rôle d'un mec qui s'appelle Jean-Bernard Trouabal. Oui, franchement, voilà. Faut le faire. Hein, voilà, et il y a énormément de jeux de mots qui sont très drôles. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Il y a la musique aussi qui est vraiment cool. Il y a la chanson, alors attendez, de Paulina Rubio, Baila Casanova, qui est extraordinaire, que vous entendez actuellement. C'est très marqué début des années 2000, et voilà, comme moi, c'est mon enfance, c'est vraiment. On entend même l'ancien générique de NRJ, pour vous dire. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Clairement, ça me ramène directement dans mon enfance. Et c'est un truc que, enfin, j'aime beaucoup ce film. J'adore les situations. C'est un peu comme le Père Noël est une ordure, mais en moins bien quand même. Je vais pas comparer. Mais pour moi, c'est un peu la même chose, où des gens essayent de cacher des choses à d'autres personnes, tout en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est ces situations un peu théâtral que j'aime énormément dans le cinéma comique et que je retrouve dans ce film. Voilà, j'en ai pas énormément de choses à dire. Ça se finit sur du Claude François. Voilà. Ah, oh bah là, c'est bon, j'y vais, moi, je regarde. Moi. Voilà, dans un jacuzzi sur les toits de Paris. Avec une ampoule qui va. Jacuzzi, Claude François, en général, ça termine mal. Non, non, dans l'eau, hein. Non, non, ça se finit pas comme ça. Mais ouais, sur les toits de Paris, dans un jacuzzi sur du Claude François, avec un verre de. Quelle chanson Les lundis au soleil. Ah, bah oui, super. Putain, donc, voilà. Podcast avec du Clo-Clo. Vous avez vu les chanceux quand même. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Honnêtement, je vous le conseille. Si vous avez jamais vu ce film, c'est une bonne petite comédie française. Comme honnêtement, on n'en ferait plus aujourd'hui, mais ça rappelle beaucoup de souvenirs et c'est très nostalgique de ma part, hein, clairement. Voilà. Très bien. Bon, mais écoute, honnêtement, tu me l'as vendu parce que c'est vrai que j'aime bien Chevalier Aspalès sur scène. C'est vrai que j'ai pas vu. Bon, Jean-Marie Poiré, c'est un peu aléatoire sur tous ses derniers films, mais en tout cas, voilà. C'est quand même lui qui a fait Les Visiteurs, ne l'oublions pas. Bah du coup, on va rester, enfin, avec moi sur une comédie française. Tu l'as dit tout à l'heure, on va aller vers peut-être une des comédies françaises qui a le mieux marché ces 20 dernières années. C'est vrai. Et qui est peut-être la plus défoncée de tous les temps, peut-être la plus décevante pour beaucoup, puisque moi je vais parler des Bronzés 3. Ne vous en allez pas, je vous jure que c'est un bon film et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je vous explique pourquoi. Et je vais même dire un truc. Et là, attention, vous allez me menacer et tout. Il est bien meilleur que le premier. Et oui, parce que le premier, pour moi, il est juste irregardable. Le 3, il est regardable avec ses petits défauts, mais il est évidemment moins bon que le 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au Bronzés 3, il y avait une telle attente. Il est quand même sorti 27 ans après Les Bronzés font du ski, qui est clairement le meilleur. Mais on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que Marie-Anne Chazelle l'avait dit en interview, tout le monde s'était fait c'est un peu à la manière de Star Wars. Les bronzés c'est un peu notre Star Wars à nous. Oui, voilà, c'est vrai, c'est... On a... Non, mais parce que voilà, on s'est tous quand on nous a annoncé Les Bronzés 3, mais moi qui, voilà, tout le monde s'était fait son film. Et forcément, on peut pas satisfaire tout le monde. Les Bronzés 3, Les Bronzés faisaient partie de ces retours. Un retour 27. Aujourd'hui, c'est un peu banal, parce qu'on a l'habitude un peu des films qui reviennent et tout. Ouais, ouais. Je peux garantir qu'à l'époque, Les Bronzés 3 qui revient. Donc en 2006, début 2006. En 2006, ça a été un événement total. Je veux dire, sur les plateaux télé, on ne voyait que ça. Il y avait une espèce de propagande, entre guillemets. Ils étaient invités. Et c'était très beau, en plus, de les voir. Parce qu'à l'époque, en plus, voilà, c'était Drucker, les enfants de la télé, tout ça. C'était un peu la belle époque des belles promos, j'ai envie de dire. Et là, de les voir tous croire en leur projet, effectivement, ça a fait qu'il y a eu combien de personnes en salle ? Plus de 10 millions, un truc. Ouais, à peu près 10 millions. Ouais. Donc quand même, hein, ça a été. La salle était pleine. Enfin, c'était incroyable. Donc effectivement, il y a eu une déception qui s'est installée parce que c'était pas aussi bien, parce que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de comparer au deuxième. Et effectivement, quand on compare au Bronzés font du ski, forcément, c'est moins bien. Mais plus je revois ce film, que j'ai jamais détesté, vraiment, hein, je l'ai toujours bien aimé. Au début, je l'aimais parce que Déjà, il y a cette ambiance de vacances. Ouais, dès le début, en plus. Il y a ce côté feel good. Déjà, le générique de Zucchero, que vous pouvez entendre actuellement, c'est une grosse tuerie. Et qui était martelé sur énergie et tout ça, hein, sur toutes les radios, c'était vraiment, on n'entendait que ça quand ça sortait. Hein, c'était vraiment. C'était quand même assez. Non, mais le générique est très bien, même meilleur que le premier de Gainsbourg. Alors, Gainsbourg, patrimoine, mais peut-être même encore meilleur que celui des Bronzés Fonds du Ski, j'ose aller jusque-là, parce que, je sais pas, ça sent la mer, ça sent le sable, on adore, quoi. Et du coup, cette ambiance de vacances, moi, personnellement, je la trouve réjouissante, parce que je m'évade un petit peu. Hein, voilà, hein. J'ai pas une thune pour partir en vacances, mais je regarde les Bronzés 3, ça compense. exactement. Ça coûte moins cher. Oui. Et du coup, quand je regarde le film, voilà, il y a cet aspect feel good qui s'installe, mais il y a surtout, et ça, c'est une qualité que je vois, mais plus je le revois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même baigné dans des comédies françaises qui sont un peu aseptisées. Alors, on a quand même 2-3 comédies qui sont assez problématiques, qui vont non pas vers le politiquement incorrect, parce que j'aime le politiquement incorrect. Hein. Je parlais de H sur les réseaux il n'y a pas longtemps, mais vraiment qui vont vers le, qui vont offenser quand même, qui sont gratuitement. Gratuitement, voilà. Que là, les Bronzés, moi, ce que j'aime, et c'est ce que j'aime en général avec le Splendide, c'est que il joue en général des personnages de prolo qui sont juste infects. C'est vraiment des monsieur tout le monde. On regarde le Père Noël est une ordure qui présente quand même des cas sociaux, mais assez flippants parce qu'ils sont méchants, ils sont bislards. Ils vont quand même jusqu'à. On parle quand même de découper un homme. Découper un homme et le jeter au lion. Et le jeter au lion. Enfin, on en est là, quoi. Se tirer des balles dans le pied, enfin voilà. Et je trouve que les Bronzés ont retrouvé, que ce soit dans le 1, mais surtout dans le 2, comment ils se parlent et tout, c'est comme une bande de potes qui sont sur du je t'aime moi non plus. Et le 3, il y a une méchanceté qui est quand même assez évidente. Et même ça va très loin, on parle quand même d'une tentative de meurtre. Bon, le contexte, c'est la patte d'ours qui est quand même un peu. Ouais, il y a tellement de choses dans ce film, c'est un truc de fou parce que quand je l'ai revu, je l'avais pas vu depuis un petit moment et je me suis dit, ah oui, c'était dans ce film là, la patte d'ours et tout. La patte d'ours. Et la petite lèvre gercée. Oui, voilà. Ça fait partie peut-être des trucs que j'aime le moins parce que c'est quand même con comme la lune. Ouais. Mais en tout cas, les personnages entre eux restent assez méchants. Quand on voit le personnage de Jérôme qui est joué par Christian Clavier, qui n'a plus une thune, qui va se retrouver dans un hôtel magnifique, qui va être hébergé dans une cage à lapins alors que ses potes sont là en train de profiter de leurs cocktails qui sont bourrés de fric et qui ne lui inspirent aucune compassion, aucune sympathie, c'est quand même terrible. C'est un film qui te dit, mais tes potes peuvent être les pires pourritures du monde. Et bien, je trouve que cette méchanceté-là, à l'époque, on n'était pas préparé. Peut-être que le film est sorti trop tôt. Bon, il serait sorti là, ce serait vu que les acteurs ont pris quand même de la bouteille. Mais en tout cas, je pense que c'est cette méchanceté-là qui fait que j'aime ce film. Et que je lui trouve quand même une vraie plus-value par rapport au Bronzé, qui était quand même le tout premier, un film un peu sage quand même. Le 2, bon, voilà, c'est parce qu'il est fun et effectivement, je pense que c'était vraiment révolutionnaire à son époque, le premier. Parce que tu sortais de films de deux Funès et tout ça. C'est quand même une autre ambiance. T'avais cette bande de jeunes qui a un peu dépoussiéré un peu le truc et qui faisait un truc un peu plus subversif. Mais moi, je trouve que le 3, il est assez subversif à sa manière, quoi. Et il y a effectivement ce doux plaisir des retrouvailles que je ne boude pas, que j'assume totalement. Je trouve que c'est très plaisant à regarder. Après, le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que les personnages paraissent un peu différents de ceux qu'on a connus, mais en même temps, leur méchanceté reste intacte, en fait. Il y a des choses qui font qu'on peut se dire, putain, je retrouve pas Popeye, je retrouve pas... Par exemple, pourquoi le coup des seins de Gigi, c'est quoi l'intérêt? Il y a quand même des trucs, voilà, si on prend, on picore un peu à droite à gauche, on dit, ouais, ça, c'est pas très bien. Voilà. Mais dans son ensemble, il y a quand même quelque chose de très méchant, et moi, j'aime cette méchanceté purement gratuite entre eux. C'est vraiment pas une méchanceté, même la scène où le fils de Gérard Jugnot, le vrai fils de Gérard Jugnot d'ailleurs, Arthur Jugnot, fait son coming out. Je trouve la scène géniale, quoi. La réaction, enfin, c'est pathétique. Et le film montre ça, montre ce côté pathétique. Oui, c'est clair. Il le critique. Hein, il critique. On ne rit pas de l'homophobie puisque tous les personnages sont là à dire, non mais attends, l'autre il nous fait sa crise d'homophobie, il nous les brise, quoi. Et j'aime justement que les personnages soient condamnés par leur méchanceté. Parce que le coup de Jugnot, c'est ça. C'est qu'il est tellement homophobe qu'il va avoir un problème de communication pendant le film. Il va être complètement paralysé de la bouche et tout. C'est quand même des trucs. Et puis la fin, ça le condamne aussi. Ça le condamne aussi, voilà. Et la fin, la fin du film, les condamne totalement. Ouais. C'est 27 ans de cruauté entre eux, de mensonges. Et même, on voit quand même le mensonge. Il y a même un petit twist par rapport au Bronzé 2, qui a couché avec qui, tout ça. Et bien, je trouve que ça fait du bien. Et plus je le revois, je me dis, mais on est quand même face à un film assez méchant. Ouais. Et cette méchanceté-là, eh ben, je la vois pas vraiment et même plus du tout. C'est trop aseptisé aujourd'hui. On n'ose plus, les personnages entre eux n'osent plus s'en mettre plein la gueule, n'osent plus se mettre des poignards dans le dos. Mais moi, je trouve que l'amour vache, l'amitié vache, c'est absolument réjouissant au cinéma. Et j'aime vraiment Les Bronzés 3, quoi. Il y a quand même voilà, ce petit propos-là que je trouve existant. Après, voilà, la mise en scène, peut-être que ça patauge un peu, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Clairement. Oh, ça, c'est clair. Je suis là pour marrer, pour retrouver. Et puis même, les beaux paysages et tout, ça te fait voyager, honnêtement. Enfin, c'est la Sardaigne, il me semble. Ils sont en Sardaigne, ouais. c'est très beau, quoi. Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir un film qui est réalisé au poil pour profiter de ça, quoi. Et puis, je veux dire, une comédie, c'est pas besoin d'être non plus réalisé au millimètre pour que ce soit drôle, quoi. Bah, tu peux combiner les deux, mais voilà, après, je pense exactement. Que... Et il y a surtout aussi, et ça se voit dans le film, et on le voit au générique de fin quand il y a le bêtisier qui apparaît. C'est pas opportuniste, c'est pas un retour parce qu'ils avaient envie de le faire. Il y avait un tel plaisir de jeu à se retrouver 27 ans après, il est communicatif. Et je pense que ce plaisir communicatif-là, cette sincérité se ressent tellement que forcément je ne peux qu'être pris de sympathie pour ce film-là et que je défends vraiment. J'ai vu pour la première fois de ma vie Les Bronzés il n'y a pas longtemps. Bon, en termes de budget, c'est fauché, je le trouve pas regardable, je trouve qu'il est poussif, je le trouve pas drôle. Et là, je sais pas, il y a un charme. Il y a un charme et ça me fait rire. Tout me fait pas rire. Ouais. Je trouve pas tout cool ou génial, mais je défends le film à 60%, on va dire. Mais ça reste un bon pourcentage, quoi. Oui, ouais, c'est un bon plaisir coupable, justement. Voilà. Ouais, voilà. Bah, ça, c'est obligé. Hein. Pour le coup, c'est considéré... Mais attendez, des comédies françaises mauvaises, moi, j'en ai. Hein. Les Trois Frères, Le Retour, honnêtement, regardez Les Trois Frères, Le Retour, je peux vous garantir que c'est pas... Voilà. Vous avez comparé Astérix aux Jeux Olympiques et Les Bronzés 3, vous verrez. Qui est sorti à peu près à la même période, en plus. Hein. Ouais, qui est sorti 2 ans après. Ouais. Voilà, on avait... Non, puis les Astérix, ça faisait un peu... Là, pour le coup, ça faisait grosse machine un peu opportuniste avec tous ces guests à la fin. Mais là, on a un film qui est intègre. Moi, je la sens, cette sincérité de jeu. C'est évident qu'ils s'éclatent et moi, je m'amuse avec eux, quoi. Un peu comme quand ils vont... moi, j'adore... Je suis de l'école Les Enfants de la Télé d'Arthur, quoi. Oui, quand oui, je voyais tous ces guests sur un plateau en train de se vanner entre eux. Et ça, c'est ça, le film, Les Bons Étroits. C'est ça. Il y a ce côté un peu très... C'est la famille, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Et... Bon, ben, voilà. C'est... Ben, voilà. Moi, non, je suis mais d'accord. Revoyez-le. Je suis d'accord revoyez-le, avec toi. Revoyez-le, franchement. Je vous invite à le revoir et au prochain podcast, vous me direz si... voilà, mais le film a des qualités, vraiment. Donc voilà, on a fini pour cette petite expédition en France. Hein. Là, on va repartir vers l'Amérique, et l'Amérique super-héroïque quand même, avec un super-héros qui a pas fait l'unanimité quand même à l'époque. Hein. Oh non. Ouais. Bah, c'est surtout la suite en fait. Hein. Quoique, parce que ce film-là, les gens maintenant disent « Non mais voilà, le Director's Cut. » Oui, voilà, c'est exactement. Les gens ont retourné leur veste depuis la Director's Cut. Voilà. Alors que nous, on était à le défendre hein, avec la version cinéma. Voilà, non mais oui, voilà. Donc bah, Axel, vas-y, parle-en, vas-y, voilà, dis. C'est un film qui est un film effectivement encore d'enfance. Alors, je vais dire le titre juste en bon anglais une seule fois et après je le prononcerai comme je l'ai prononcé quand j'étais petit, que j'ai découvert ce film. Donc Daredevil ou Daredevil. Moi je disais Daredevil, ouais, pas Daredevil. Réalisé par Mark Steven Johnson, qui est sorti en 2003. Du coup, Wake me up inside. Voilà, mais... c'est marrant parce que j'étais pas si fan que ça d'Evanescence quand le film est sorti, tu vois. C'était pas trop ma cam, mais depuis que je le revois et depuis que c'est devenu vraiment un de mes plus gros plaisirs coupables. Ah, pourtant, je trouve que Evanescence, elle en a dans le coffre. Oh là là. Un podcast. Bah oui, non, mais. Un pivot. Du coup, faut rappeler un peu le contexte dans lequel c'est sorti. Sorti en 2003. Donc, moi, personnellement, j'ai découvert. Il me semble cette année, fin 2002 ou début 2003. D'ailleurs, c'est sorti la même semaine que Chouchou, je viens de voir, on parlait de Chouchou. Ah oui, bah voilà, c'est là, voilà. C'était pour moi la période où j'ai découvert Spider-Man, qui a été un des plus gros chocs de ma vie en termes de cinéma. Spider-Man de Sam Raimi, évidemment. Bon. Voilà. oh, petit film. Hein. Bon, ouais. On n'en parlera pas dans ce podcast, celui-ci, parce que clairement, c'est pas un plaisir coupable. Peut-être le 3, un jour. Parce que le 3 est un bon film, les gens sont cons. Pour moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment un très bon film. Petite parenthèse, j'ai vu Spider-Man au marathon au Grand Rex, oui, et ouais. sur grand écran, vous le voyez aujourd'hui, Spider-Man, le 3, les qualités vous sautent à la gueule, hein, vraiment. Ouais, mais je m'en souviens encore de ma séance au cinéma, c'était du 3 et du 2 qui était vraiment génial. Mm-hmm. Mais c'est vrai que Daredevil est sorti un peu... Il est sorti trop tôt. Il est peut-être sorti trop tôt, et après, voilà, moi je... En fait, pourquoi j'aime ce film ? Déjà, j'aime bien Ben Affleck en Daredevil. Je trouve qu'il est plutôt bon en Matt Murdock. Moi, ce qui me plaît énormément dans ce film, c'est les scènes d'action. Les scènes d'action, je prends un plaisir monstre à les regarder. J'ai acheté le Blu-ray uniquement pour ce podcast, mais honnêtement, je l'aurais acheté même s'il n'y avait pas eu le podcast. Je l'avais découvert du coup en version cinéma, et je l'avais tellement apprécié quand j'étais petit. Bon, après, c'est parce que j'étais dans la période Spider-Man, période super-héros, mais même maintenant, en le revoyant, je lui trouve vraiment des super bonnes qualités. La scène d'action du début dans le bar, dans le début, c'est au bout de 20 minutes, mais voilà, je la trouve hyper bien réalisée, hyper bien chorégraphiée aussi. Il y a pas mal de plans séquences, en fait, et c'est rare de voir ça aujourd'hui. En fait, t'as plus l'habitude de voir des films de super-héros où des batailles sont en plans séquences. C'est plus beaucoup de cuts. Sur des coupements, etc., ou sur des actions, alors que là, tu vois vraiment, enfin, bon, c'est peut-être pas, enfin, je sais pas, je connais pas trop les coulisses du film, je me suis pas trop renseigné, je sais pas si c'est Ben Affleck qui a fait ses propres cascades ou si c'était un cascadeur dans son costume, mais en tout cas, ça paraît vraiment réaliste, c'est vraiment noir, le film est vraiment, il y a une ambiance poisseuse noire de New York début 2000 que j'aime beaucoup dans tous les films, et là, je la retrouve parfaitement, quoi. Il y a tout qui va bien pour me faire plaisir dans ce film. Le seul défaut que je trouverais peut-être, c'est Colin Farrell, que j'ai, maintenant que je le vois un peu plus, de façon un peu plus adulte, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec son jeu, mais il en fait un peu trop, un peu des caisses. Mais en même temps, le film, quand on est plongé dans le film, moi je m'en rends pas compte. C'était ses débuts, hein, quand même. Colin Farrell, oui, il y avait Phone Game, il y avait le film avec Mission Évasion là, avec Bruce Willis et tout. Ouais. Il faisait un peu, c'était un peu les débuts de Will Ferrell. Oula, Colin Farrell, c'est pas pareil. Quoique Will Ferrell en tireur, ça peut être. Ah, ça aurait été tellement juicy. Moi c'est plus Michael Clarke Duncan, je suis pas. Pour moi c'est John Caffey pour l'éternité. Donc, Oui, c'est vrai que. Non, puis avec son gros cigare, machin, c'est vraiment le. Ouais. Avec la petite musique, tout. Bon, je peux comprendre. Moi c'est un peu Madeleine de Proust. Franchement, honnêtement, avec son costume trop grand et tout. Enfin, voilà, et sa canne et tout. Enfin, vraiment, les décors, je les trouve vraiment. Même si maintenant ça fait cheap, ça fait un peu kitsch, honnêtement. Non, ça fonctionne. Mais moi, je trouve ça fonctionne encore bien. Il y a deux, trois scènes. La scène avec le Daredevil sur le sol en feu là. Bon. Ouais. Non, moi j'aime. Moi, je trouve ça stylé. Mais c'est cool. Mais après, il faudra parler de The Scene quand même. Hein, j'espère que t'en parleras. Il y a The Scene. The Scene. Alors pour moi, il y en a beaucoup des The Scene. Hein. C'est il y a la scène avec les étoiles là, de Bruce Eyes qui tire. Et qui tue le père de Elektra, du coup, que j'adore aussi, une super scène d'action. Jennifer Garner est très bien. Hein. Jennifer Garner est très bien. Il me semble pas avoir vu Elektra, ou alors j'étais petit, je m'en souviens pas. Faudrait que je le revoie parce que je n'ai pas vu ce film. Te fais pas de mal, hein. Mais après, peut-être que j'aimerais parce que. Mais bon, le truc c'est qu'elle meurt dans celui-ci, donc je sais pas comment ils la font revenir. Je sais plus. Mais elle ressuscite, vraiment. Voilà. Ok, d'accord. Pourquoi s'emmerder? D'accord. Mais dans ce film, il y a la musique aussi joue énormément. C'est très le hard rock du début des années 2000, fin 90, new-yorkais qui a donf Evanescence bien sûr en premier. Hein. Mais il y a tellement d'autres super musiques que j'ai redécouvert avec ce film. C'est franchement, honnêtement, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop ce film, mais je comprends pas le shitstorm qui se prend par rapport à ce qui sort actuellement. Mais je pense qu'au contraire, les gens, par rapport à ce qui sort actuellement, bon, c'est un peu ma comparaison extrême, parce que j'ai une détestation profonde pour Captain Marvel, par exemple, et je peux pas m'empêcher de dire, mais voyez ça à la place de Captain Marvel, vous verrez que... Et les gens, dans cette optique-là, en le réévaluant, ils se disent, finalement... Bon, le problème, c'est qu'il y a la série qui est arrivée entre deux aussi. Oui, voilà. Et qui, bon, peut-être... voilà. Oui, elle est bien, elle respecte plus le comics, les comics, etc., mais... et puis les scènes d'action sont aussi très bien. Il y a même une scène d'action qui fait beaucoup penser à Old Boy d'ailleurs dans cette série, la scène du couloir. Mais voilà, moi honnêtement, j'ai vraiment une affection très particulière pour ce film. C'est un film que je prends énormément de plaisir à revoir. Et puis voilà, ça me met en joie, honnêtement, ça me met en joie. Les acteurs, je les trouve très bons. Même Jon Favreau, que d'habitude je supporte pas dans le Marvel Universe, là, il est bon en Franklin Nelson, je trouve. Je trouve même meilleur que celui qu'ils ont pris pour la série. Donc voilà, je sais pas de quelle scène tu voulais que je parle. Moi, c'est la scène d'entraînement d'Electra. Oui, voilà. Vous voyez ça, oui, ouais. Et je vais vous faire une confidence. On est entre nous, hein, voilà. Quand j'étais petit, je reproduisais cette scène-là, sauf que j'avais pas des, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, j'allais dire des kunai, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mais moi, je prenais des tournevis. Et je peux vous garantir que je mettais le Evanescent chez moi, je faisais la même scène. En plus, j'avais un petit embonpoint quand même. Vous avez le petit machin qui tournevis qui tournait dans sa chambre, ma mère qui passait le balai, on me dit qu'est-ce qu'il fout. Voilà. Ça a été ouais. Bah oui, mais non, mais elle est trop marquante, cette scène d'entraînement. Oui. Après... Puis même la scène d'affrontement entre Electra, enfin la scène, je trouve c'est assez assez frontal en termes de violence. Enfin, Electra, on le dit, elle meurt, elle se fait tuer par, parce que ça aussi, on se dit ouais, Electra, elle s'entraîne et tout, mais en fait, elle se fait buter comme une merde, vrai, quand même. C'est vrai. Et le coup de la carte, ça m'avait fasciné. J'essayais de le refaire, je me suis coupé. Mais, mais en tout cas, c'est le coup de la carte, c'est assez. C'est assez violent. Et puis tout le début avec du coup Matt Murdock jeune et son père qui est boxeur, qui finalement se retrouve dans des histoires de mafia. Moi, la scène qui m'a traumatisé quand j'étais petit et qui m'a rajouté une phobie en plus de toutes les phobies que j'avais, c'était la scène de l'acide dans les yeux où t'as vraiment... tu vois, je suis acidophobe. Non, j'ai vraiment peur de devenir aveugle, hein. C'est je pense pas une peur si irrationnelle que ça, mais honnêtement, je pense que ce film m'a foutu cette peur encore plus ancrée, parce que tu vois vraiment les terminaisons nerveuses qui se en 3D un petit peu moche aujourd'hui, mais honnêtement ça passe dans l'ambiance du film, qui se déconnecte petit à petit jusqu'à son cerveau, jusqu'à ce qu'il se réveille dans l'hôpital avec un bandeau sur les yeux et qu'il voit plus rien, et que d'un coup il entend tout autour de lui de façon accentuée. Mais ce jeu justement sur les sens et même ce sens, ouais, je trouvais qu'il avait vraiment... La scène la plus jolie pour moi, c'est la scène sous l'eau où il voit pour la première fois Electra, du coup. Sous une musique d'Evanescence, voilà. Immortelle. Ouais, ouais. Et elle est magnifique, cette scène. Et encore aujourd'hui, je la trouve sublime et plein très, d'amour, très jolie. Cette scène, plein d'amour. Ouais. Tu voulais dire du coup ? Ah, ben non, mais c'est ça que je voulais dire. Effectivement, d'accord. Cette scène-là était très belle. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et même l'alchimie, parce qu'd'ailleurs, ils sont mis en couple après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il va falloir faire une étude là-dessus, parce que la plupart des couples célèbres se sont rencontrés sur des films qui sont considérés comme des daubes. On a quand même eu Angelina Jolie et Brad Pitt sur Mr. and Mrs. Smith. On a eu Twilight, Robert Pattinson et Kristen Stewart. Bon, il y a Eyes Wide Shut qui pourrait te contredire sur le fait de Tom Cruise et c'est vrai. Nicole Kidman. Et puis bon, partant de là, il y a quand même eu Jennifer Aniston et Brad Pitt sur Friends aussi. Oui, voilà. Peut-être aussi. C'est le meilleur épisode de la série. Oui, en plus on le voit qu'une fois. Hein. Mais ouais. Non, c'est vrai qu'il est très bien, cet épisode. Voilà. Daredevil, c'est cool, franchement. Non, Daredevil, honnêtement, c'est un film qui représente mon enfance. C'est un film que j'adore. Je me rappelle le voir pour la première fois en VHS chez ma tante, parce que c'était elle qui avait Spider-Man et qui avait Daredevil. Donc j'ai découvert sur le même VHS, sur la même télé, et c'était des traumatismes. Hein. Je me suis dit, c'est vraiment c'est des films comme ça que je veux voir pour toujours. Et bon, j'ai... Après... T'as pas eu ça pour toujours. Non, j'ai pas eu ça pour toujours. Les gens se sont pas dit la même chose que toi, étonnamment. Ils se sont dit, ah. Mais d'ailleurs, moi, le souvenir que j'ai avec Daredevil, c'est quand même la bande-annonce. Alors pour le coup, là aussi, j'en parlerai un jour peut-être de Taxi 3. Oui, j'aime ce film, j'en parlerai aussi. Il y avait la bande-annonce de Daredevil avec... j'ai trouvé génial la bande-annonce. Génial. Bah, pareil, avec la musique d'Evanescence, Bring Me To Life. Ouais. Une des meilleures chansons au monde, d'ailleurs. franchement, la bande-annonce, elle envoie du lourd, quoi. Ouais. Et on voit le film, on se dit, putain... Ouais, voilà. Non, mais ouais. Après, bon, par rapport à la version Director's Cut, oui, ça change vite fait. Moi, j'ai pas vu honnêtement de grande différence. Bon, y a voilà, quand même 20 minutes de plus, hein, mais ouais. Honnêtement, c'est pas des ajouts tellement importants, je trouve. Non, on n'est pas sur du Alien le retour avec carrément donne au film une profondeur supplémentaire. Ça rajoute des scènes, ça rajoute quelques. Mais c'est pas, enfin le contenu reste relativement le même, donc contentez-vous de la version courte. Hein. D'ailleurs, la version Director's Cut est dispo sur Prime Video, d'ailleurs. Oui. Mais, d'ailleurs, Resident Evil, c'est pareil, c'est sur Prime Video, c'est aussi, un film que vous pouvez revoir. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça, si vous avez un compte Amazon. Et puis au pire, les films français dont on a parlé, Ma femme s'appelle Maurice, ça c'est très dur à trouver. Moi j'ai dû le regarder en streaming illégal, j'avoue. Axel fait les brocantes pour pouvoir trouver. Voilà. Non, franchement, si vous avez un DVD, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est très dur de le trouver. Je pense que sur Vinted, tu dois trouver ça. Oui. J'ai essayé de regarder un peu sur les sites d'occasion et c'était un peu compliqué. Donc, En fait, on a fait ce podcast pour ça. Hein, pour Ma femme s'appelle. C'est vraiment parce qu'Axel, pour ma collection personnelle, en fait. Vraiment, compléter ma collection personnelle de films que vous trouvez moyen et que j'aime beaucoup. vous refourguez tout à Axel. Voilà. Il est content. Eh mais il y est, hein. Ma femme s'appelle Maurice sur Vinted, je le vois, il a 1€. Ah bah putain, attends, tu me passeras le lien après, mais... ok. tu l'as, on va avec les frais de port et tout. Ouais, 1€, ouais, 1€, 1€. Eh écoute, bah oui. Écoute, bah, voilà. Il y a même la pièce de théâtre, ils font même, un lot. Ah bah super, écoute, on parlera de ça après le podcast. Donc moi j'ai fini sur Daredevil en tout cas. Je vous le conseille de le revoir si vous ne l'avez pas revu ou même de le découvrir, hein, clairement. Si on vous a toujours dit « Ah, mais regarde pas, ça vaut pas la peine », honnêtement… Ouais, regarde la série, c'est mieux. Ouais, voilà. Honnêtement, je pense qu'il vaut le coup d'œil pour des bonnes scènes d'action qu'on voit plus si souvent que ça, aussi bien chorégraphiées et tout. Et honnêtement, la chorégraphie des scènes d'action. Ce que j'aime bien avec ce film, c'est que tu as l'impression… Enfin, c'est un peu vrai pour tous les films qui sont sortis après 2000, mais tu sens vraiment l'inspiration Matrix dans les scènes de combat et j'aime beaucoup ça en fait. La scène entre Elektra et Matt Murdock quand ils sont pas en Daredevil et Elektra, là dans le champ d'enfants, enfin comment on appelle ça, où les enfants jouent là avec le toboggan et tout ça. Ça fait beaucoup Matrix scène d'entraînement quoi, donc mais c'est c'est très romantique, il y a une espèce de c'est vrai, donc voilà, moi je vous le conseille énormément. Non, moi je vous le conseille aussi, par contre j'avoue que Elektra, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà, très bien. Bah du coup c'est déjà fini, on a fait court, hein. Tu vois, non, mais j'avais envie de faire un truc un peu court, voilà, donc là on est à 50 minutes d'enregistrement et encore, parce qu'il y a eu des petites coupures, des petits machins dont on vous parlera pas, mais ouais, mais comme ça, c'est une émission qui, pour une première, on est en rodage, rien n'est précis encore, hein. Mais en tout cas, si vous pouvez, le temps d'une petite heure, vous écoutez ça pendant que vous faites votre ménage. Moi, c'est ça mon ambition. Je m'en fous d'être connu, je m'en fous des follow. Si quelqu'un me dit, je fais ma vaisselle et je t'écoute et j'adore, comme je fais avec Cinefuzz d'ailleurs, hein, coucou à Fabien, Encore qui m'a gentiment accueilli le week-end dernier chez lui. Voilà, je suis allé voir Spider-Man avec lui et c'était fabuleux. Et voilà, donc c'est peut-être le parrain de l'émission. D'ailleurs, on ne parlera pas du parrain. Hein, voilà. Ou peut-être du parrain 3, qui est considéré comme un mauvais film et que moi j'aime un petit peu quand même. Donc un jour peut-être. Tu relèves le niveau, voilà. Exactement. Oh, tu sais. Du coup, je voulais faire un petit bilan, parce qu'on l'a pas fait en début d'émission, sur le terme plaisir coupable. C'est vrai que c'est un terme qu'on en a la définition en fait. Il n'y a pas un terme précis, parce que je sais que sur certains films, il y a beaucoup de personnes qui peuvent me dire, mais non, c'est pas un plaisir coupable. Dans le cas de Spider-Man 3, il y en a qui vont le considérer comme tel, d'autres non. Donc, honnêtement, je vais être très franc avec vous, je n'ai pas de définition sur ça. C'est vrai que moi, dans l'absolu, ma définition, c'est des films qui sont réputés comme étant mauvais, mais que j'aime et que j'ai envie de défendre pour les qualités. On s'est prêté à l'exercice durant tout ce podcast. Donc, j'ai pas de définition précise, mais chacun a sa définition de plaisir coupable. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, justement, cette expression, qui disent « Non, il n'y a pas de plaisir coupable, machin et tout ». S'il y en a, quoi qu'on en dise, il y en a, c'est obligé. Oui. Et puis ça crée le débat forcément. Hein. Parce qu'il y a des mauvais films qui sont défendables, comme, enfin, ou des films dits mauvais qui sont défendables. Mmh. Hein, on l'a, voilà, on vous avez vu un exemple. Hein. Ma femme s'appelle Maurice, je l'ai pas vu, mais faut, je pense qu'il faut pouvoir le défendre. Oui, et Axel, justement, t'as parlé de Chouchou. Chouchou, oui, ouais, aussi. Pas un mauvais non plus. Aussi, quoi, hein, ouais, ça va, ouais. Hein, voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de films français en fait. Ouais, mais voilà. Il y en a. Et bah du coup voilà, par rapport à cette définition là, il y a voilà, chacun a sa définition, donc vous avez la vôtre. Donc selon voilà le. Alors moi, ce que je vous invite à faire maintenant, ceux qui ont regardé le podcast et qui nous suivent sur sur la page Twitter, hein, JMC Podcast, ouais. On va mettre un système de vote, par exemple sur les 4 films, et vous allez juger si c'est en les ayant revus ou même si vous les avez déjà bien en tête, si pour vous, ce sont des films qui sont coupables d'être des mauvais films ou non coupables d'être des bons films. Et on les réhabilitera dans le prochain podcast. Voilà. On va revenir en début d'émission sur Resident Evil, Ma femme s'appelle Maurice, Daredevil et Les Bronzés 3. On va revenir un peu sur vos votes. N'hésitez pas à commenter aussi, commenter, moi je vais prendre de tout ça en compte. Et on va voir si voilà, il y a des films qui sont réhabilités ou définitivement condamnés à rester des mauvais films. Moi, je pense que Ma femme s'appelle Maurice va rester. Ouais, je pense condamné. Que toi, t'as aucune chance, t'es mort. Hein. Mais en même temps, Les Bronzés 3. Ouais, on verra. Écoute, ça va être dur, hein. Voilà. Ne me décevez pas. un t-shirt du parrain pour tous ceux qui voteront bien. Ça faudra assumer, hein. C'est pas moi qui gère les envois. Hein. Je fais mon François Fillon, excusez-moi. Mais en tout cas, bah voilà, hein, franchement, merci d'avoir écouté. Hein. Ouais. Ce podcast. Moi, et un petit bonus aussi à la fin. Vas-y. Oui, tu voulais dire. Je voulais juste rajouter que du coup, en fait, on a fait un format A2 puisque c'est le pilote de l'émission. Hein, vous êtes en train d'écouter le pilote, le numéro 1. C'est vrai. Mais du coup, dans le futur, ce qu'on aimerait bien mettre en place et ce qu'on voudrait mettre en place, c'est le fait d'inviter des gens, que ce soit de Twitter ou d'autres, des auditeurs, hein, tout simplement, pour venir, vous venez nous parler de vos plaisirs coupables et on les aura vus à l'avance aussi ou revus à l'avance avant de vous en parler, d'en parler ensemble. Et puis ça pourrait vraiment être sympa comme ça. Ou même en tant que spectateur, on va dire, enfin d'auditeur spectateur, si vous n'avez pas, je sais que il y a certaines personnes qui n'ont pas justement de, enfin qui sont un peu timides à l'idée de tenir une petite chronique et tout. Si vous voulez juste venir et juste à la limite on vous entend rire ou juste interagir entre deux en disant oui je suis d'accord, j'aime bien ce film là et tout. Même ça honnêtement à raison de peut-être 2-3 personnes maximum. Bah, franchement c'est jouable, ce serait cool d'avoir un. Ouais. Un petit public, quoi, ça donne un côté plus convivial. C'est ce qu'on est en train de réfléchir pour cette émission. On a plein de projets. Voilà. Peut-être faire du live, c'est vraiment un peu plus tard, quand on aura fait 2-3 émissions et qu'on sera plus à l'aise avec le format de l'émission. Mais du coup, comme ça, vous pourrez assister à l'enregistrement, vous pourrez voir toutes nos gaffes, les fois où on se trompe, etc., où on oublie nos mots, ce qui arrive assez souvent, on ne veut pas le cacher. Et puis, on a plein de projets pour ce podcast et on espère que vous nous suivrez là-dessus. Voilà. Du coup, je te laisse conclure ce que tu voulais dire. Oui, on va vous laisser un petit, parce que bah voilà, les plaisirs coupables, ce ne sont pas que des films, c'est aussi des musiques. Donc forcément, chaque podcast. Alors déjà, vous avez remarqué que vous avez entendu des BO extraits des films dont on a parlé, voilà. Mais j'ai envie que voilà, à chaque fin de podcast, on s'autorise une petite chanson, une petite musique, voilà, que ce soit, peu importe la langue, hein, c'est au choix, une chanson qui est un peu honteuse mais qu'on aime quand même. Voilà. Donc voilà, pour conclure un petit peu. Alors déjà le générique, pour ceux qui ont peut-être reconnu, on a pris l'instrumental de L'homme au pistolet d'or, qui est un James Bond qui est considéré comme très mauvais, vraiment, peut-être un des pires, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Peut-être que j'en parlerai aussi d'ailleurs, hein, oui. C'est même certain. Donc voilà, c'est un truc un peu punchy, on trouvait que ça collait bien au thème, à l'ambiance de l'émission. À l'ambiance de l'émission, effectivement. Et là, du coup, pour la fin, on va essayer de garnir un peu vos playlists. Voilà, avec exactement. Des petites perles un peu, voilà. Voilà. Donc là, pour. Donc, ce sera chacun son tour. Hein. Donc, pour cette première émission, c'est toi, Morgane, et puis la prochaine, c'est moi. On fera comme ça, chacun son tour. Et ben, ce sera peut-être pas forcément des chansons que l'un aime. Voilà. Voilà, on fait chacun notre tour, hein, clairement. Chacun notre mais, tour. Voilà. Mais voilà, ça peut garnir vos playlists et ça peut vous faire découvrir des choses ou alors vous faire détester des choses. Ça, c'est aussi. Ah bah là, ouais, là en plus, là, je m'attaque à du lourd. Hein. Mm. Et en plus, on reste un peu dans le cinéma puisque je vais vous présenter. Alors, parce que je sais pas si vous connaissez le fameux l'OVNI cinématographique Alien Crystal Palace par Ariel Dombal avec Nicolas Kerr sorti l'année dernière, qui a émerveillé pas mal de personnes, dont les chroniqueurs de Nana Lardande, qui s'en sont fait une joie. Mais ils ont sorti un album, je crois, récemment. Et il y a une chanson qui a fait un petit buzz parce qu'ils sont allés chez Laurent Ruquier la chanter en live et dans un anglais yaourt absolument réjouissant. Donc j'ai écouté la chanson puisque je trouvais qu'en termes d'instru, et là, pareil, on va défendre. Ouais. Parce que moi, je défends. Ah oui, on va défendre tous les morceaux. Je trouve qu'en termes d'instru, il y a quand même un petit charme qui est un peu du repompage de La vie est belle d'Indochine, qui est un des plus grands groupes français, si ce n'est le meilleur. Donc la chanson s'appelle Just Come Back Alive, chantée par Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Vous allez voir, c'est un peu hypnotique. Au début, on est là un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si on se laisse porter, c'est assez addictif. Moi, ça fait, j'en suis peut-être à ma 15e écoute. Je l'écoute et je l'aime bien. Mmh. Voilà, donc écoutez-la. Je garantis pas que vous allez être vivant à la fin ou que vous allez pas être sourd. Parce que je peux vous garantir que si vous avez des complexes en votre accent anglais, je peux vous garantir que vous écoutez ça, ça vous guérit hein, de tous les maux. voilà, donc je vous laisse écouter, juger, et vous allez voir, ça a son petit charme. Moi, j'aime beaucoup. Just Come Back Alive par Très Nicolas Kerr et Ariel Dombal. Ouais. Voilà. Et du coup, on vous dit à la prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Twitter, c'est JMC Podcast, @JMC Podcast sur Twitter. Voilà. Et puis. Moi, c'est The Lexal. Ah non, c'est pas JMC Podcast, c'est Podcast JMC. Podcast JMC, pardon. Voilà, c'est... JMC. De toute façon, voilà. Vous retrouverez tous les liens sur l'article du podcast. Si vous avez l'habitude de nous écouter, on va dire, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Sens Critique, The Lexal, THELEXAL, et sur Movie Nerd aussi, voilà. Et moi, c'est Cinémorgan sur Twitter. Voilà. Aime le maudit cinéphile, n'en déplaise à certains. Voilà. Exactement. Voilà, donc du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Alors, si vous m'avez trouvé un peu hésitant, c'est normal. Je peux vous garantir, je ne fais pas le fier, hein, vraiment. Mais ça va. Mais honnêtement, ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. C'est plus les bugs qui nous ont un peu emmerdés. Mais c'est les aléas du faux direct, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on vous souhaite de bonnes vacances, voilà, parce qu'on enregistre le 10 juillet, je sais pas si on l'a dit. Non, on l'a pas dit. bonnes vacances pour ceux qui partent, on va se retrouver en août, j'espère, et voilà, donc à très bientôt, portez-vous bien, respectez les distances, évidemment, et voyez les films dont on a parlé, vous allez voir, vous allez peut-être redécouvrir, limite ne partez pas en vacances, si vous avez un petit séjour à l'étranger, vous en foutez, vous regardez ces films-là, vous passerez de meilleures vacances, voilà. Garanties sans Covid, en plus. Exactement. Voilà. Bon. Voilà. À plus. Eh ben écoutez, ciao. À plus tout le monde, et ciao. There are a lot of words in this world's geometry.